Chapitre 6. Les écrivains obscurs. Il y a une catégorie d'auteurs qu'au point de vue de l'art de lire, il faut considérer très attentivement. Ce sont, comme on les a appelés, les auteurs difficiles, c'est-à-dire ceux qu'on ne comprend pas du premier regard, ni même du second, les Lycophron, les Maurice, Sève, les Mallarmé. Ces auteurs jouissent toujours d'une très grande réputation. Ils ont un banc et un arrière-ban d'admirateurs. Le banc est composé de ceux qui prétendent les entendre, l'arrière-ban de ceux qui n'osent pas dire qu'ils ne les comprennent pas et qui, sans les lire, déclarent qu'ils sont exquis. Ceux du premier banc sont tout à fait fanatiques, leur admiration étant faite de l'admiration qu'ils ont pour leur intelligence et du mépris qu'ils font de l'inintelligence d'autrui. Ce sont des initiés, ils ont toute la morgue et toute l'intransigeance des initiés au mystère. Remarquez qu'ils n'ont pas absolument tort. Ils partent de ce principe que tout texte qui est compris du premier coup par n'importe qui n'est pas de la littérature. Et ce principe n'est point tout à fait faux. Peut-être compris du premier coup par n'importe qui un trait de sentiment qui parfois du reste est fort beau. « Je t'aimais inconstant, qu'aurais-je fait fidèle ?» est une fort belle chose et peut être entendue par le premier venu. Et qu'il soit entendu du premier venu n'est point du tout une raison pour le trouver vulgaire et le folklore de la littérature. Mais il est très vrai aussi que tout texte où il y a de la pensée ne peut être qu'un lieu commun s'il est compris de prime abord. Vous n'avez pas compris du premier coup la mise en liberté de Victor Hugo, et je ne songe qu'à vous en féliciter. Il y a donc quelque chose de juste dans le principe des amateurs d'auteurs difficiles, mais ils l'exagèrent. Premièrement, en excluant ainsi de la littérature toute sensibilité, ou tout au moins toute sensibilité générale, et en admettant que des sentiments rares, très difficiles à pénétrer, c'est-à-dire à ressentir. Secondement, même quand il s'agit de penser, en voulant que rien de la pensée ne soit compris du premier coup. La pensée doit se présenter, et c'est sa façon d'attirer à elle, de manière à être entendue du premier abord en son ensemble, de manière à être apparemment et même partiellement accessible. Il faut ensuite qu'à la reprendre, on s'aperçoive qu'on ne l'avait pas entièrement entendue et qu'elle est digne d'être creusée, et qu'on la creuse en effet, et qu'on la trouve toujours plus riche. Et s'il se peut, il faut enfin qu'elle soit, pour ainsi dire, inépuisable. Et la pensée qu'on aura, pour ainsi parler, vidée du premier coup, n'est assurément qu'un lieu commun. Mais il est très important qu'une pensée originale soit d'abord accessible et comme hospitalière, ensuite se révèle comme digne d'un examen prolongé et l'exigeant. Mais c'est ce que les amateurs d'auteurs difficiles n'admettent point. Ils veulent que la pensée se garde tout d'abord du lecteur profane par l'obscurité, pour attirer par elle les raffinés, les divinateurs, ceux qui sont intelligents d'une façon exquise. Ils veulent que la pensée fasse le vide autour d'elle pour avoir le plaisir, eux, de franchir la zone déserte, d'entrer dans le sanctuaire, d'y séjourner, et surtout d'en sortir en déclarant qu'ils ont compris, mais qu'il s'en faut que tout le monde en puisse autant faire. Et c'est ceci qui est exagéré, et qui est une manie intellectuelle. Je vois tel auteur, de qui, en m'appliquant, je ne comprends littéralement pas une ligne, et que jeunes gens, femmes, enfants, comprennent parfaitement, jusqu'à assurer que tout ce qu'il dit les étonne si peu qu'ils l'avaient pensé avant lui. Je me récuse et dis que je ne comprends pas, malgré un grand désir et un grand zèle. On me répond, des yeux du moins et de la mine, car nous sommes un peuple poli. Oh, quand il sera clair de manière que vous l'entendiez. La joie pour certains, et même pour beaucoup, est d'abord de comprendre, mais surtout de comprendre ce que le vulgaire ne comprend pas. Il y a du ragoût. Ainsi se forment, autour de certains auteurs, des élites qui se savent gré de le pénétrer et lui savent gré d'être impénétrables. Elles sont composées, il me semble ainsi quand j'y songe, de plusieurs éléments divers. Il y a ceux qui ne comprennent pas, qui savent qu'ils ne comprennent pas, et qui font semblant de comprendre et d'admirer. Ce sont les faux dévots de ce culte. Ils en usent ainsi par calcul de vanité et pour se faire prendre par la foule pour des intelligences supérieures. Il y a ceux qui vraiment comprennent quelque chose, assez peu, mais vraiment quelque chose. Comment font-ils ? Dans ce qui n'a pas de sens, ce sont eux qui en mettent un. Dans ce qui ne contient aucune pensée, ce sont eux qui mettent une pensée ou quelque chose d'analogue qui est à eux. Ceux-ci ont précisément besoin de textes obscurs pour y évoluer à l'aise et, pour ainsi parler, de textes creux pour y verser leurs pensées propres. Un texte clair les arrête, les limite, les fixe devant lui et ne leur permet que de le comprendre, et non pas eux. Descartes exige qu'on le comprenne et ne permet pas qu'on l'imagine. Un texte obscur se prête à toutes les interprétations, c'est-à-dire à toutes les imaginations dont il sera, non la source, mais le prétexte. Un texte obscur est un vêtement où quiconque peut se couler et, s'y étant introduit, admirer ou goûter la figure qu'il y fait. Un texte obscur est un miroir brouillé où chacun contemple le visage qu'il rêve d'avoir. Il y a donc des gens qui comprennent quelque chose dans les textes inintelligibles, à savoir ce qu'ils y ont mis, et qui ont besoin de textes inintelligibles pour n'être point passifs dans une lecture, pour ne pas subir, pour n'être pas réduits au rôle d'adhérents, et pour n'adhérer plus ou moins consciemment, plus ou moins inconsciemment qu'à eux-mêmes. Et enfin il y a ceux, très sincères et très désintéressés, les vrais dévots de ce culte-ci, assez nombreux encore, qui ne peuvent admirer que ce qu'ils ne comprennent pas. Ils existent. Il y en a même plus qu'on ne croit. C'est une disposition d'esprit, c'est l'attrait du mystère, c'est la curiosité du cachet, c'est l'attraction de l'abîme, c'est un vertige doux, c'est le prestige exercé sur nous par ce qui nous dépasse, échappe à nos prises, nous défie. Par jeu, je disais dans ma jeunesse, je n'admire que ce que je ne comprends pas, que ce que je me sens incapable de comprendre. Et il me semble que c'est tout naturel. Ce que je comprends, il me semble que moins le style, moins un certain tour de main que je n'ai pas, je le ferai. Donc, je ne l'admire pas, je l'approuve. Je ne l'admire pas, je le reconnais. Il ne m'éblouit pas, il augmente en moi une lumière que j'avais déjà. Ce que je ne comprends pas me dépasse et par conséquent m'impose. Il m'intimide, il me fait un peu peur, je l'admire. Il y a dans toute admiration un peu de terreur. Je me dis à quelle hauteur ou à quelle profondeur faut-il que soit cet homme pour que je ne le distingue plus. Et je sens que, quelque effort que je fasse, il sera toujours à cette hauteur ou à cette profondeur, à cette distance de moi. J'admire, je suis éperdu, je suis au moins inquiet d'admiration. Ce que je disais par amusement, il en est qui ne le disent point, mais qui sont très réellement et très exactement dans l'état d'esprit que je viens de décrire. Ceux-ci ont besoin de textes obscurs pour satisfaire un besoin d'admiration, qui est un besoin d'inquiétude. Ils sont dans un état d'âme très connu, celui des amateurs de sciences occultes. Il n'y a dans leur cas rien d'étonnant. Mais nous, gens du commun, et qui ne prétendons qu'à nous instruire, et surtout à jouir de nos lectures, devons nous lire les auteurs difficiles, c'est-à-dire les auteurs auxquels, à une première lecture, nous prévoyons que nous n'entendrons jamais rien. Mon Dieu, oui, d'abord parce qu'il y a une certaine paresse intellectuelle qu'il est bon de vaincre, de heurter contre de très grandes difficultés, contre de redoutables obstacles, pour qu'elles n'augmentent point et pour que, en augmentant, elles ne vous mènent très bas. Vous vous habituerez, transportons-nous à une autre époque, pour ne blesser personne. Vous vous habituerez à lire Delille, qui assurément n'offre aucune difficulté. Vous en viendrez peu à peu, fuyant l'effort et le redoutant, à ne lire que les romans de Madame Cottin, et vous ne pourrez jamais aborder le second Faust, ce qui vraiment sera dommage. Il faut donc s'exercer les dents sur les auteurs difficiles. À ne pas le faire, on risque d'échéance. J'ai connu dans ma jeunesse des hommes lettrés qui déclaraient le second Faust inintelligible et qui trouvaient Victor Hugo obscur. Pour trouver Victor Hugo obscur, de quel Béranger, et même de quel sous-Béranger, faut-il s'être exclusivement nourri? Mais comment lire les auteurs difficiles? Tous ne sont pas lisibles par des gens comme nous. Il en est qui ne le sont que par des gens appartenant à l'une des trois catégories que j'indiquais plus haut. Il en est qui sont obscurs naturellement, spontanément, très loyalement, sans artifice, qui sont capables, ce qui est une chose encore que je n'ai jamais comprise, d'exprimer par des mots, de mettre sur le papier, une pensée qui n'est pas devenue nette dans leur esprit, pour qui la parole ou l'écriture n'est pas un instrument d'analyse, pour qui la parole ou l'écriture n'est pas une épreuve qui force à se rendre compte de ce qu'on pense, qui, en un mot, peuvent exprimer ce qu'ils ne conçoivent pas. Ceci, sans doute, il faut les laisser sur le verre, et je ne vois guère quel profit l'on en pourrait tirer. car de penser à propos d'eux ce qu'ils n'ont point pensé et ce qu'ils auraient pu penser s'ils avaient pensé quelque chose, cela est un peu vain et si hasardeux qu'il vaut mieux penser directement pour son compte. Mais il en est, et ce sont, je crois, les plus nombreux, qui sont obscurs volontairement et de propos faits pour s'acquérir la gloire délicate et précieuse d'auteurs obscurs. Et voici comment ils ont procédé. Ils ont pensé en clair, d'abord, comme tout le monde, puis, par des substitutions patientes de mots impropres aux mots justes, de tournures bizarres aux tours simples, d'inversions aux tours directes, ils ont obscurci progressivement leur texte. Ils ont fait exactement l'inverse de ce que font les auteurs qui n'écrivent que pour être entendus. Ceux-ci ramènent progressivement l'expression vague à l'expression précise. Eux détournent laborieusement l'expression à peu près précise vers l'expression sibylline. Sachant pour qui ils écrivent, ils disent « le mot à sur-ton est authentique, mon livre est fait, je n'ai plus qu'à l'enténébrer un peu ». Nietzsche disait « enfin, nous devenons clairs ». Ils disent, en remaniant leur œuvre, « enfin, je deviens obscur ». Ils se défendent, par l'obscurité, d'être compris de ceux par qui ce leur serait une honte d'être entendus. Nietzsche a très bien saisi leurs procédés et leurs intentions. On veut, non seulement, être compris quand on écrit, mais encore certainement n'être pas compris. Ce n'est nullement une objection contre un livre, quand il y a quelqu'un qui le trouve incompréhensible. Peut-être cela faisait-il partie du dessein de l'auteur, de ne pas être entendu de n'importe qui. Tout esprit distingué, qui a un goût distingué, choisit ainsi ses auditeurs lorsqu'il veut se communiquer. En les choisissant, il se gare contre les autres. Toutes les règles subtiles d'un style ont là leur origine. En même temps, elles éloignent, elles créent la distance, elles défendent l'entrée. En même temps, elles ouvrent les oreilles de ceux qui nous sont parents par l'oreille. À la vérité, ce travail de protée des auteurs difficiles, ce « noli me tangere, noli me intelligere » est assez vain, puisqu'ils seront compris, adoptés, du moins touchés, par ceux précisément en majorité par qui ils redoutent d'être entendus et dont ils craignent le contact, c'est-à-dire par les sots. Et ce sont ceux qui comprennent peu qui courent tout droit aux choses les plus difficiles à comprendre. Mais enfin, tel est leur travail. Ils se voilent, ils se masquent, ils se déguisent jusqu'au moment où ils se jugent impénétrables. Or, ce travail qu'ils ont fait, faites-le à l'inverse et ramenez-les patiemment à la simplicité. Invertissez les inversions, tournez les termes impropres aux termes probablement justes, d'après le sens général du morceau, s'il en a un. Par une lecture attentive, pénétrez-vous de ce que l'auteur a sans doute voulu dire, et, ainsi éclairé, si la chose est possible, saisissez les petits procédés par lesquels il a dérobé son idée au regard et détruisez-les à mesure, jusqu'à ce que vous soyez en présence de l'idée elle-même, laquelle vous paraîtra souvent très ordinaire, mais quelquefois intéressante encore. Vous voulez, à six, me dire qu'il fait froid ? Dites, il fait froid ! Eh bien, précisément, par une sorte de filtrage et de décantation, contraignez à six à dire « il fait froid ». Ce travail est très utile. C'est un des exercices les plus vigoureux de l'intelligence et qui l'accroît et l'aiguise. Montaigne a une page admirable sur l'art de compliquer ce qui est simple et d'obscurcir ce qui est clair. Il n'est pronostiqueur s'il a cette autorité qu'on daigne feuilleter et rechercher curieusement tous les plis et lustres, entre parenthèses, détours, point d'interrogation, de ses paroles, à qui on ne fasse dire tout ce que l'on voudra, comme aux sibylles. Il y a tant de moyens d'interprétation qu'il est malaisé que, de biais ou de droit fil, un esprit ingénieux ne rencontre en tout sujet quelque avis qui lui serve à son point, entre parenthèses, à son point de vue. Pourtant, entre parenthèses, et c'est pourquoi, se trouve un style nubileux et douteux, en si fréquent et ancien usage. Que l'auteur puisse gagner cela d'attirer et embesogner à soi la postérité, ce que non seulement la suffisance, entre parenthèses, la capacité, mais autant ou plus la faveur fortuite de la matière peut gagner, qu'au demeurant, il se présente, par bêtise ou par finesse, un peu obscurément, et diversement ne lui chaille. nombre d'esprits, le blutant et secouant, en exprimeront quantité de formes, ou selon, ou à côté, ou au contraire de la sienne, qui lui feront tout honneur, et il se verra enrichi des moyens de ses disciples, comme les régents du Landy. C'est ce qui fait valoir plusieurs choses de néant, qui a mis en crédit plusieurs écrits, et les a chargés de toutes sortes de matières qu'on a voulu. Une même chose recevant mille et mille, et autant qu'il nous plaît, d'images et considérations diverses. Or bien, c'est juste le travail contraire qu'il convient que vous fassiez sur les auteurs difficiles. Ils se sont couverts d'ajustements compliqués et de harnois enchevêtrés. Il faut les mettre en chemise. Il faut les forcer d'être simples à leur corps défendant, et les juger et peut-être les approuver et les goûter, ainsi devenus. Mais de même qu'en lisant un auteur simple, on prend assez facilement l'habitude, par la lecture méditée, d'y mettre beaucoup de choses qu'il n'a point pensées ou qu'il n'a pensées qu'en puissance. Tout de même, en simplifiant les auteurs compliqués, ne leur fait-on pas le tort de leur ôter leur seul mérite? Il est assez vrai, mais leur punition méritée est sans doute qu'on les dépouille, au lieu de les enrichir. Eux qui veulent paraître plus riches qu'ils ne sont, et qui donnent les apparences de la richesse à leur pauvreté, et qu'on jette de la lumière dans l'appartement volontairement obscur où ils nous reçoivent, pour voir l'ameublement un peu usé sur lesquels ils voulaient faire illusion. En tout cas, l'exercice, s'il est fatigant, est très sain et très utile. C'est une traduction d'un langage chiffré. Il s'agit de trouver le chiffre. Tant qu'on le cherche, c'est une bataille. Quand on l'a trouvé, c'est une victoire. Il ne faut point passer sa vie à chercher des chiffres et à déchiffrer. Mais de temps à autre, c'est une chose qui n'est ni sans plaisir ni sans profit.